c'est ta vento. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Le bon comme le mauvais. Yeah. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Yeah. Dur comme imaginer le jour de son enterrement. Rejoins le très haut, le démon à petit feu, ça devient trop dément. Je sais que c'est haram, mais tout ça me fait peur. Et je le dis sincèrement. Alors j'en profite tant que je peux encore voir le jour. Verrez ta pour toujours, je vous le dis clairement. Avant que ce soit plus possible, vous êtes dans le cœur et Dieu seul sait si toute notre vie on pourra voir le jour. Qui était là quand j'étais dans le fond ou dans le flou? À part ma famille, la chaleur des miens, les seuls sur qui on peut compter. Ça rassure de se sentir aimé, comme ça rassure de voir qu'on aime autant le flouze. J'ai plus 20 ans, alors je dois m'assagir. Fini les bringues à plein temps, c'est maintenant qu'il faut réagir. Je suis là pour faire mal, tous attirés par le mal. On vient de là, où la plupart des frères parlent mal. On veut tous croquer, donc vas-y laisse croquer. Faut tenir le coup, avant que mon peuple se fasse escroquer. Dire à ma mère que je l'aime avant qu'il soit trop tard, l'ami. Faut éviter de faire les mêmes erreurs. La vie nous forge, on apprend dans le tas. On apprend dans le tas. Surtout si on fréquente les trottoirs la nuit. J'envoie la racine, tu sais de quoi je suis capable. Au mic j'assassine, le rap m'a jugé coupable. Comment tu veux que j'oublie tout ça? La coco, le popo, l'amant de quelques poteaux. Les faux à la sauce, les soirées maussades. On voulait amasser cossu. Donc on a rien fait, cette vie nous a blessés. Cette vie nous a déçus, donc le rap, je rêve comme issue. La caille 3 ans que je suis là, mon pote, j'ai rien à percer. Chaque merde qui passe, les souvenirs font surface. Connasse, j'ai pas la vie de radasse. La fourrure à sans liasse, le frigo rempli à la race. Comment tu veux oublier ces soirées à bloquer? Ces barreaux de blague, ces journées de merde à craquer. Fratello, la vie pour nous n'est pas un jeu d'Othello. Ça passe ou ça casse, donc je suis ce créneau. Trop de choses à raconter, trop jeune pour arrêter, trop vieux pour recommencer. Donc je reste sensé, te raconte ce qui s'est passé. Corsé pour cette balancée. Verrai ta fille de peine, car il est vient d'amorcer. Jamais j'oublierai le bon comme le mauvais. Les périodes sèches sans lover. Et les prières pour y arriver. Putain de route barrée, période tarée, moment effaré. Les soirées à se marrer, jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai le bon comme le mauvais. Les périodes sèches sans lover. Et les prières pour y arriver. Putain de route barrée, période tarée, moment effaré. Les soirées à se marrer, jamais j'oublierai. Comment tu veux que je puisse leur pardonner? Même pas j'y crée même. Quand je vois que tous ces crèmes, je nous pense que pour en charbonner. On a choisi notre camp, pas celui des mange-mères. Vu que le diable tente, on grandit là où les anges perdent. La Al-Shaitan, ça m'empêchera pas d'aboutir. J'oublierai pas que ces chiens nous voyaient comme une boîte à outils. Enragé par la routine, j'oublierai pas, j'plierai pas, j'tirerai pas de piste. Tant qu'on m'aura pas, j'écrirai pas. La même jeunesse, vue de perles tant qu'à salon. J'oublierai pas ces nes, massacrés pour quelques galons. Et ouais, petit à taille, du cortex chez les petits rapaces. Qui a pris la caille, on le sait tous et on n'oubliera pas. J'dois mettre le crime à part, merde, j'ai pas pris ma part. Y'a juste à espérer que la mémoire nous fuira pas. Vento et Beretta, ressource nos sens quand tu lèves les bras. À nous de quitter le ghetto cérébral. Jamais j'oublierai le bon comme le mauvais. Les périodes sèches sans lover. Et les prières pour y arriver. Putain de route barrée, période tarée, moment effaré. Les soirées à se marrer, jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai le bon comme le mauvais. Les périodes sèches sans lover. Et les prières pour y arriver. Putain de route barrée, période tarée, moment effaré. Les soirées à se marrer, jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai.